Je sais pas cracher. Atchoumé, circonflexe, bazar, trottoir, kleenex. Un vol est le début. Tiroir à chaussettes. Différent de ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne suis pas là. Simplement, des fois, quand j'y pense. De ci, de là, de ci, de là, indécis de là. Si j'y suis, là-bas. Remède, escargot, lumière, avant de ne pas savoir, confiture. Complètement barbe. Le pire n'arrivait pas. Si j'y suis, lorsque je crois, puis je m'en vais, enfin, et si tout le monde, et puis silence. Sans odeur, dans le temps qui s'écoule, sans déboire, puisque l'amour est candide de ne pas croire. Enfin, papier tordu m'étattend, si avenant du fait de dire, avec les mains sans les pieds complètement tordus, si extraordinaire dans le pouvoir du tien, infracolorisé. Puis, majuscule primaire ralentie, si volé, voilé, dépendant de tout, sans absolu, mais souffrance, mais avec prudence et condiment. Rien, rien. Les yeux se sont. Le reste, c'est tout. Abîme de l'ouest, dévalant le trottoir d'en face, qui, de lui, ne connaissait que l'odeur de ses propres chants. Lorsque cela arrive, c'est fini. Puis ça se dit, avec répris et abondance. Puis tu oublies d'où le bilan n'en a plus fini. Ce sont les trois et la sept qui m'ont fait. S'il vous plaît aussi. Sans conjuguer le miroir, ni empirisme, l'état diabolique, le simple fait que non évident. Si j'en crois, tu dégoûtes, vois, moi, soutenant n'importe quoi et qui, sans oublier, la mémoire se refuse et dit. Pas d'absolu, puis et moi, ça m'a resté sur mes yeux. S'il y a là-bas, peut-être ici. Outil et instrument pour le jeu de la pris au pied du mur, de vie qui tourne pour celui qui tourne. Injonction de l'orteil de l'âme, conséquence rapprochée, simultanée du désir. Est-ce réel pour moi ? Parcimonie. Dire et arrondir d'être seul, chacun pour soi, être Dieu, aucun pour tous. Plancher criminel, qui veut ça ? Moi, pour toi, pour tout, pour tout. Nain se crée, vit des plans, creux de l'âme, à croire que la matière se fout et que la vitesse n'existe pas. Pire et encore une fois, c'est le fait que we